L'homme. Oui, c'est tout. L'envoi à Copolo. Reviens à Koulubilenga, l'homme au Congo. Munjala wele tola kabanka kazete mukongo mwato tabi wakwa utwike mejele wele tola kabanka kazete mukongo mwato tabi wakwa utwike mejele wele tola kabanka kazete mukongo mwato tabi wakwa utwike mejele.